J'ai cherché le bonheur, toujours au même endroit. Et je m'étonne encore à chaque fois que je suis déçu. Eux n'ont pas compris qu'on enlève pas la merde en mettant un beau tapis par-dessus. On m'a dit ceux qui montent finissent par descendre. Erreur de mon père, mon temps t'a pris. Solitude et haine, mes plus grands amis. Sache qu'on ira tout au fond pour prendre appui. J'ai mal à la tête, je pourrais m'arracher la peau. Aller jusqu'à manier la faux, le casque Sparte. 5 ans que j'ai pas bu un verre, 5 ans que j'ai pas vu ma mère. Si j'ouvre la porte, il faut que je mette mon imperméable. Est-ce que Dieu regrette à ce qu'il créa? Si moi je l'ai fait, pourquoi tu le fais? Préfère être honnête plutôt qu'agréable. Si je t'explique de quoi il retourne vraiment. Soit tu comprends pas, soit tu prends de l'âge. Tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'ici, c'est juste la première de tant de marches. Grandir plus vite que le temps passe. Regarde comme formidable est le grand œuvre. Et les rêves qu'on avait, la vie nous les a pris. Ils se sont étouffés dans l'œuf. Sans mon père, j'aurais sûrement fini vaut rien. J'aurais glissé, tout comme celui qui porte trop de midi-chloriens. J'suis Johnny Cash, aujourd'hui je me fais du mal. Pour savoir si je ressens, regarde l'histoire. Et dis-moi au nom de quoi ont-ils fait couler le sang. Le cœur sous scellé, c'est quand la dernière fois que j'ai vu le soleil. J'ai grandi sans love, pour savoir où je vais, je fais tourner le silex. Il me faudrait des œillères, j'aperçois les routes qu'il ne faut pas que je prenne. Distant pour que personne ne voit que je saigne, j'ai l'impression de porter le masque de Kane. Le trop facile, mon frérot, c'est un piège. Elles sont en nous, les forteresses qu'on assiège. Tellement de mots, il faudrait qu'on abrège. Moi je trouve ça beau, une tache de sang dans la neige. Le trop facile, mon frérot, c'est un piège. Elles sont en nous, les forteresses qu'on assiège. Tellement de mots, il faudrait qu'on abrège. Moi je trouve ça beau, une tache de sang dans la neige. À quoi bon, c'est pas la peine, c'est comme ça que parle le lâche dans ma tête. Les cerveaux peuvent bien oublier, mais je peux dire que les âmes s'en rappellent. J'ai compris que ceux qui peuvent tenir sont les plus proches depuis Vegeta et Nappa. Me comprendre, ils en sont incapables, mes cicatrices on les voit pas. Je fais partie d'une sorte unique, c'est des opportunistes. Mais on verra bien si devant la mort tu nies, je t'attendrai au bord d'une île. Tatoué comme les triades, 9h-17h, gros pour moi c'est pas viable. Sur l'épaule un singe, c'est comme si je vois le monde depuis derrière les grillages. L'anxiété c'est la dictature, t'imagines pas tout ce que ça m'empêche de faire. Ingénieux dans la souffrance, on a le taureau des reins et la vierge de fer. Mon cœur veut leur tendre la main, ma tête a trop peur qu'on lui casse le poignet. C'est tellement plus facile de faire du mal, on peut te planter mais pas te soigner. Le trop facile, mon frérot, c'est un piège. Elles sont en nous, les forteresses qu'on assiège. Tellement de mots, il faudrait qu'on abrège. Moi je trouve ça beau, une tache de sang dans la neige. Le trop facile, mon frérot, c'est un piège. Elles sont en nous, les forteresses qu'on assiège. Tellement de mots, il faudrait qu'on abrège. Moi je trouve ça beau, une tache de sang dans la neige. Ouais, Charles Prince, t'es chaud ou quoi?